Chapitre 9. En flânant, une nouvelle connaissance. Encore une fois, César et Aimé se retrouvèrent seuls. Il est vrai qu'ils avaient maintenant de quoi vivre, mais ce n'était qu'une chétive consolation. Croyez bien, mes petits lecteurs, qu'ils auraient abandonné de bon cœur leur belle petite pièce de 5 francs pour demeurer toujours auprès du jeune monsieur Richard, qui s'était montré si bon pour eux, mais hélas, il est bien rare qu'en ce bas monde on obtienne comme cela, tout de suite et sans effort, les choses qu'on désire le plus. Il n'est donné à personne de régler sa destinée. Je ne veux point les suivre pas à pas. Cela manquerait d'intérêt. Ils allaient, suivant Balthazar, qui, bien qu'il n'eût que 3 pattes à sa disposition, se montrait infatigable. Ils se nourrissaient comme ils pouvaient, mangeant la plupart du temps du pain dont ils partageaient la mie avec les oiseaux. Quoiqu'ils eussent un regret profond de ne plus demeurer à la ferme des Granges, où ils avaient trouvé en Victoire une si excellente amie, ils vécurent comme cela 2 jours dans la paix et l'insouciance, abusant un peu pour jouer et courir de cette liberté qu'ils goûtaient pour la première fois. Quand Balthazar les voyait occupés à construire des maisons avec les pierres de la route, ou bien à creuser des canaux en travers d'un chemin pour mettre en communication des fossés pleins d'eau, il s'asseyait sur son derrière. Et, sérieux comme un quaker, il montrait par sa mine grave et impassible que ses jeux ne lui plaisaient pas. Mais les enfants n'y prenaient point garde, et comme si de rien n'était, continuait de perdre agréablement le temps. D'autres fois, le brave chien, impatienté, prenait le parti de s'enfuir, pour les arracher à ses occupations oiseuses. Cela réussissait toujours. Dès qu'ils apercevaient Balthazar au loin, ils s'empressaient de courir pour le rattraper. Le caniche, satisfait, y mettait de la complaisance, et revenait sur ses pas. Et l'on marchait ensuite pendant 1 heure ou 2, sans songer à jouer. Une après-midi, que le temps était à l'orage, il s'était encore arrêté, et sans souci des heures qui fuyaient, s'attardait à l'édification d'une jolie maison bourgeoise. Cela marchait tout à fait bien. Le rez-de-chaussée était solide et sagement distribué. On avait fait un plancher comme on avait pu avec quelques tiges de sureau vert et des brindilles de hêtre ramassées au pied d'une pile de fagots. Ce n'était pas, à vrai dire, d'une élégance recherchée, mais on pouvait fort bien s'en contenter, surtout si l'on avait des goûts modestes. Quant au 2e étage, il montait encore un peu. Et mes amis, se faisant charpentiers, allaient poser la toiture, une série de petites lattes qu'ils avaient taillées dans des copeaux, lorsqu'ils s'aperçurent que Balthazar n'était plus là. Il se trouvait à 100 pas d'un village appelé Viry. Alors, et sans se soucier d'achever une œuvre qui devait cependant leur donner de grandes satisfactions d'amour-propre, ils se mirent, sans perdre une minute, à courir dans la direction du village. Mais comme ils étaient sur le point de s'engager dans la rue principale, ils se rencontrèrent avec une troupe de paysans, qui en sortaient, tous armés de fourches, de brocs, de serpes, et marchant à la poursuite de quelque chose que mes amis virent passer devant eux, comme un point blanc qui fuyait avec une rapidité vertigineuse. Derrière les hommes, des femmes et des enfants accouraient en poussant des clameurs. « Aux chiens enragés, aux chiens enragés » criait-on, « fermez vos portes !» César et Aimé, effrayés comme les autres, regardaient en avant pour comprendre un peu de quoi il s'agissait. Et hélas, mes bons petits lecteurs, le point blanc c'était Balthazar. À ce qu'ils pensèrent du moins, mais il était si loin déjà qu'on pouvait s'y tromper. À leur tour, ils crièrent « Si c'est Balthazar, ne lui faites pas de mal, il n'est pas méchant !» Mais les paysans n'entendaient point et couraient toujours. Enfin, tout le monde s'arrêta, et un profond silence régna au milieu de cette foule qui tout à l'heure poussait des cris de forcenés. Une lutte s'engagea entre un des hommes et le chien, lutte effroyable, car l'homme, un jeune garçon de 18 ans, n'avait pour toute arme qu'une fourche à dents de fer. Je vous laisse à penser si l'anxiété était vive parmi les spectateurs, au milieu desquels se trouvait la mère du jeune garçon. Par moments, on se flattait que tout était fini, mais tout à coup le chien qu'on avait cru terrassé reparaissait bondissant d'un autre côté, et la pauvre mère gémissait à fendre l'âme. Cela dura ainsi 2 ou 3 minutes qui parurent des siècles. Enfin, le jeune homme, demeuré vainqueur, souleva avec sa fourche le cadavre du chien, qu'il montra à la foule. Cette vue opéra un soulagement immense et tous les cœurs se dilatèrent. Ce fut à qui se précipiterait pour féliciter le jeune héros et s'assurer qu'il n'était pas blessé. Plus le danger avait été grand, plus on se montra joyeux. Les enfants du village couraient, chantaient et dansaient dans la rue. Les grandes personnes elles-mêmes parlaient et riaient avec une verve qui ressemblait à de la frénésie. Après s'être bien assuré que le monstre était mort, on creusa dans un guéret une fosse profonde de plusieurs pieds. On y jeta le cadavre qu'on recouvrit de terre, et tout fut fini. Mais alors César et Aimé, à qui l'idée que c'était leur ami qu'on venait d'enterrer là, ne laissait aucun repos, se mirent à appeler Balthazar à grands cris. Ceux qu'entendant les petits paysans, ils ramassèrent des cailloux sur la route et poursuivirent les deux pauvres enfants fort loin à coups de pierre, et leur auraient fait un mauvais parti s'ils ne s'étaient rencontrés un bois où les malheureux se réfugièrent. Là, ils s'accroupirent sur l'herbe et se livrèrent tout entiers à la douleur d'avoir perdu Balthazar. C'en était donc fait, ils ne reverraient plus leur fidèle et dévoué compagnon, et ils pleuraient. On n'a pas l'idée d'un tel désespoir. Aimé, le visage enfoui dans son tablier et la tête appuyée sur ses genoux, sanglotait à faire pitié. César, en homme qu'il était déjà, pleurait plus silencieusement. Mais son chagrin, pour être plus calme, n'en était pas moins profond. Par moments, cependant, il cessait de pleurer. Une voix intérieure, un pressentiment, leur disait que Balthazar était vivant, que ce n'était pas lui que le jeune paysan avait tué. Et d'ailleurs, pourquoi ces gens auraient-ils fait mourir Balthazar, qui était si doux et si inoffensif? Un chien enragé? Si leur ami eût été frappé d'un tel malheur, n'en aurait-il point remarqué quelques symptômes? Mais Balthazar se portait bien. Le matin même, il avait déjeuné de bon appétit avec eux. Ce chien qu'on avait enterré, et qui ressemblait si fort à Balthazar, il ne l'avait point vu de près. Pourquoi n'en serait-ce pas un autre? Oui, sans doute, ce pouvait être un autre chien. Mais pourquoi aussi Balthazar ne se montrait-il pas, s'il était vivant? Pourquoi ne venait-il pas rassurer ses maîtres et leur dire « Ne vous désolez plus, me voici ». Ah, mon Dieu, ces pressentiments n'étaient-ils donc que de faux espoirs destinés à faire paraître la réalité plus amère encore? Une telle incertitude était intolérable. Mais Balthazar était mort, il n'en fallait plus douter. Et les pauvres enfants se remettaient à pleurer. Combien de temps demeurèrent-ils en cet état? Nous ne saurions le dire, ni eux non plus, bien certainement. Néanmoins, il est permis de supposer que cela durait depuis plus de 2 heures, parce que la clarté du jour était sensiblement diminuée, lorsqu'ils furent, pour ainsi dire, réveillés, rappelés à la vie par un léger bruit, une espèce de froufrou qui se produisit dans le feuillage épais du fourré, à quelques pas d'eux. Ils relevèrent la tête, quelque chose rampait dans l'herbe en se dirigeant de leur côté. Or, ce quelque chose, mes petits lecteurs, c'était Balthazar. Balthazar, encore tout tremblant et tout effrayé, mais joyeux cependant. D'un bond, il sauta sur les genoux d'Aimé, qui l'embrassa comme un enfant, puis sur ceux de César, qu'il l'examina avec attention, pour s'assurer qu'il n'était pas blessé. Balthazar n'avait aucune trace de blessure sur sa petite personne. Définitivement, ce n'était pas lui que le jeune paysan avait transpercé d'une fourche. Tout cela était fort heureux, et on avait lieu de s'en réjouir. Mais pourquoi M. Balthazar avait-il causé tant d'inquiétude à ses maîtres, en demeurant si longtemps loin d'eux, après ce qui s'était passé? Si Balthazar avait pu répondre, il leur aurait appris qu'on avait fait un véritable massacre de chiens à Viry, et que jusqu'à cette heure, il n'aurait pu, sans risquer sa vie, sortir de la retraite qu'il avait heureusement trouvée dans la demeure qu'un renard s'était jadis creusée sous une meule de foin. César et Aimé, absorbés par la joie d'avoir retrouvé leur fidèle serviteur, n'avaient point remarqué que le temps s'était couvert au coucher du soleil, et que la nuit s'avançait sombre et effrayante comme ils ne l'avaient encore jamais vue. Une pluie fine et glacée vint leur rappeler qu'il était temps de chercher un gîte. Un gîte! Ce mot les jeta dans des appréhensions terribles. Sans être des logiciens d'une force remarquable, ils raisonnaient suffisamment pour comprendre qu'il serait imprudent d'aller avec Balthazar demander un gîte aux habitants de Viry. Après le drame de l'après-midi, ces braves gens ne devaient pas voir d'un bon œil des chiens étrangers dans leur village. Après s'être consultés, mes amis se dirigèrent d'un autre côté, et malgré une obscurité devenue tout à coup épaisse, se mirent à marcher d'un bon pas, espérant atteindre en peu de temps un hameau, une ferme, une maisonnette, quelque chose enfin où on voulut bien leur permettre de passer la nuit. La pluie, comme je vous ai dit, tombait fine, serrée, froide, et le vent qui soufflait avec violence gémissait tristement dans les arbres et courait dans la plaine en poussant des hurlements de bêtes fauves. C'était lugubre. D'un autre côté, comme mes amis recevaient ce vent et cette pluie en plein visage, leur marche était pénible. Ils n'avançaient que difficilement et se fatiguaient beaucoup. Aimé, pour se garantir les mains et la figure, avait relevé sa jupe sur sa tête. Quant à César, habitué depuis longtemps aux intempéries et moins sensible qu'Aimé, il marchait héroïquement sous la pluie, ne la sentant presque pas, tant il avait hâte d'arriver et de procurer un abri à sa sœur. Mais il est des jours où une fatalité malheureuse semble nous poursuivre, et où l'on dirait, si on était chrétien, que la Providence a cessé de veiller sur nous. Ces jours-là, nos efforts demeurent inutiles. Nos espoirs les mieux fondés nous trompent, et le but que nous voulons atteindre nous échappe ou recule à mesure que nous avançons, comme ces mirages que voient, dit-on, fuir devant eux les voyageurs qui traversent le désert. Vous, mes petits lecteurs, vous savez que ce sont là des jours d'épreuve que le bon Dieu nous envoie pour affermir notre courage et fortifier notre âme. Mais César et Aimé n'étaient en réalité ni chrétiens ni païens, et n'avaient point la douce consolation de se recommander à la bonté divine. Si tout récemment ils avaient appris à réciter quelques prières, ce n'était pour eux que des mots sans signification, et dont le sens leur échappait. Les pauvres enfants avaient beau marcher, rien ne leur apparaissait. C'était à croire que le chemin qu'ils avaient pris ne conduisait à aucune habitation. Le découragement allait s'emparer de leur esprit lorsque tout à coup une lueur, une sorte d'éclair, passa à côté d'eux, non loin de la route. « Chaîne de pluie !» fit en même temps une voix odieusement éraillée, quoique fort jeune encore. « Elle est cause que mes allumettes ne veulent pas mordre et que je ne pourrai fumer ce soir. » Comme c'est gai de passer une jolie soirée comme celle-ci en tête à tête avec son propre répertoire. Et pas seulement un billard. Cette île Sian, vrai, ce pays n'est pas habitable, on s'y croirait dans le grand désert. Aïe, raté, encore une. Elles y passeront toutes. Décidément, je n'y prolongerai pas mon séjour, et demain, avant le lever de l'aurore, je secoue la poussière de mes sandales et dirige mes pas vers des contrées plus hospitalières. Balthazar, comme réveillé en sursaut par ce monologue, ne fit qu'un bond du chemin dans les terres. Ah ah, reprit aussitôt la voix, qu'est-ce que c'est que cela? Un camarade et l'ami, on n'entre pas ainsi chez les gens bien élevés, sans crier gare. On se fait annoncer, que diable! Qu'es-tu? Chien, renard, tigre, panthère, pristi, mon cher, fais donc entendre un peu ta voix, pour que je sache au moins qui j'ai l'honneur de recevoir. Balthazar, Balthazar, appelaient mes amis. Est-ce que c'est toi qu'on appelle Balthazar? Viens un peu me dire cela. Tout en parlant, le propriétaire de la voix éraillée avait réussi à faire prendre une allumette. « Bah, dit-il à Balthazar lorsqu'il l'eut examiné, tu n'es qu'un simple caniche, et un caniche mouillé, ce qui ne rehausse pas d'un centimètre ta position sociale. N'importe, tu as l'air intelligent, et l'esprit est de toutes les conditions. » César et Aimé, guidés par la lumière, avaient suivi Balthazar, et étaient entrés dans une de ces petites huttes en terre, comme en élèvent un peu de frais les paysans, pour se faire un abri et resserrer les outils qui leur servent aux travaux des champs. Là, ils trouvèrent Balthazar en compagnie d'un jeune garçon, qui allumait gravement une grosse pipe. « Tiens, Balthazar, fit ce garçon, voici tes maîtres qui viennent te réclamer. Disons-nous adieu. » Mais Balthazar ne bougeait. César et Aimé, étourdis, stupéfiés et comme ahuris par le vent, la pluie et la fatigue, restaient bouche béante, regardant sans voir et écoutant sans entendre. « Tu ne comprends donc pas, Balthazar, dit le garçon à la pipe. Adieu, mon pauvre ami. » Mais tous trois, le caniche et ses maîtres, gardèrent la même immobilité. « Tiens, tiens !» s'écria le jeune garçon en riant. « C'est drôle, ça, tout de même. Dites donc, vous autres, est-ce que vous n'allez pas bientôt partir ?» Les enfants étaient timides. Ils n'osèrent répliquer. « Viens, Balthazar, allons-nous-en » dit César avec découragement. Balthazar fit comme s'il n'avait pas entendu. « Bon, fit le jeune garçon, je vois ce que c'est. Toi, mon Balthazar, tu es un chien d'esprit. Tu te dis en toi-même assez comme cela de pluie, de vent et de crotte, autour des autres si le cœur leur en dit. Moi, je suis bien ici et j'y reste. » « C'est-y pas vrai, hein, mon vieux, que tu te dis cela ?» Et il passa la main sur le dos du caniche. « Et ces enfants qui sont nos maîtres, allons-nous donc les laisser partir comme cela ?»« Nous ne partirons pas sans lui, » dit Aimé, qui reprenait peu à peu possession de ses idées. « Et le papa et la maman qui nous attendent en faisant le feu et en préparant la soupe aux choux ?»« Ah, mais non, vous ne resterez pas ici. C'est moi qui n'entends point ainsi les choses. On viendrait vous y chercher, ça me dérangerait. Pas d'imprudence, mes mignons. » Ne compromettez pas les honnêtes gens qui laissent le prochain dormir en paix. Personne ne nous attend, dit César. Pas possible. Et où allez-vous donc comme cela? Nulle part. Tiens, c'est ça qui est commode. Alors, si je vous offrais l'hospitalité dans ma résidence aussi champêtre que modeste, accepteriez-vous? Si cela ne vous gêne pas, répondit naïvement César. Comment donc, fit l'autre d'un ton cérémonieux, enchanté de vous faire plaisir. Et d'ailleurs, vous savez, où il y a de la place pour un, il y en a pour quatre, en se serrant un peu. Puis changeant de ton. C'est moi que ça embêtait de passer la nuit comme ça, tout seul, au milieu des champs. À présent, nous allons rire, pas vrai? Pour commencer, faisons du feu. J'ai vu du bois par ici. Voilà une heureuse idée d'avoir entassé des fagots dans ce coin. Cette maison est donc à vous? Demanda César. À moi. Ah ça, d'où sors-tu donc, toi? À moi? Parbleu, si elle est à moi. Je n'ai pas dit cela pour vous fâcher. C'est bon, je ne suis pas susceptible. Voyons, voulez-vous vous approcher du feu et sécher vos habits? « Ce n'est pas de refus, dit César, en faisant placer commodément Aimé, après quoi il s'approcha à son tour. Et tous trois, ou plutôt tous quatre, car Balthazar était de la partie, se chauffèrent joyeusement. À la lueur du foyer, mes amis purent examiner leur hôte. C'était au premier abord un enfant d'une douzaine d'années, mais en réalité, il en avait 14, peut-être 15. Ses vêtements étaient ceux d'un ouvrier. Seulement, il portait des souliers vernis, misérablement éculés, par exemple, et avait la main fine et blanche, sinon propre, des gens qui ont vécu dans l'oisiveté. En somme, c'était un assez singulier personnage, et sa physionomie, encore plus maligne qu'intelligente, ne plaisait qu'à moitié à mes amis. Mais, vous le savez, on n'a pas toujours la liberté de choisir son hôte. Le feu était bon et brûlait bien. Le prétendu maître du logis n'épargnait point le bois. De plus, la hutte n'était point, comme vous pourriez le croire, encombrée de fumée, car le jeune garçon avait eu l'esprit de faire le feu sous une espèce de lucarne percée au-devant, laquelle, ce soir-là, remplit fort bien l'office d'une excellente cheminée. César et Aimé furent bientôt réchauffés. Intérieurement, ils en remerciaient leur hôte, et malgré le peu de sympathie qu'il leur inspirait, se sentaient tout pleins de bons sentiments à son égard. Petit à petit, ils reprirent de l'assurance, et bientôt, quittant l'attitude d'oiseaux effrayés qu'ils avaient en arrivant, ils hasardèrent un coup d'œil autour d'eux, pour voir comment était faite leur demeure momentanée. « Dame, fit le jeune garçon qui avait suivi leur regard, c'est moins somptueux que le palais des Tuileries. Mais s'il manque par ici par là quelques dorures, du moins les toiles d'araignée abondent. Bast, c'est toujours assez bon pour un jour de pluie. » Puis il reprit, après un court moment de silence, « À propos, n'est-il pas l'heure de souper ? Qu'est-ce qui soupe ici ?» Nos amis sortirent de leur poche un morceau de pain rassis, qu'ils se mirent bravement à manger. « Si le cœur vous en dit, nous le partagerons avec vous, » proposèrent-ils honnêtement à leur nouveau camarade. « Bon, fit celui-ci, c'est là tout ce que vous avez à offrir ? Comme on se fait des idées, moi je vous aurais cru mieux approvisionné que ça. » Alors, furetant de tous côtés dans la hutte, il finit par découvrir deux ou trois sacs de pommes de terre qu'on avait cachés sous de la paille. Ouvrir un sac, en choisir une douzaine, rejetant celles qui n'étaient pas assez fraîches pour garder les plus saines et les plus belles, il les disposait convenablement sous les cendres chaudes, fut l'affaire d'un instant. « Que faites-vous ? » demanda César. « Ce que je fais, parbleu. Avec ça, que c'est difficile à comprendre. » « Ne vois-tu pas, jeune sauvage, que je prépare un souper excellent avec des pommes de terre que j'ai empruntées à mon propriétaire ? Elles ne vous appartiennent donc pas ? Peu, il y a du pour et du contre. Je croyais que tout ici vous appartenait. Oh, ça, vas-tu me chicaner pour quelques méchantes pommes de terre que le propriétaire de cette cabane a peut-être volées à son voisin ? « Si elles ne sont pas à vous, » dit César, qui se rappelait ce qu'on lui avait recommandé à Orly, « vous avez tort d'en prendre. Pourquoi ne voulez-vous pas de notre pain ? Voilà qui est fort. Vas-tu me faire poser bien longtemps comme cela et te mettre sur le pied de faire ta tête à mes dépens ? Voyez un peu ce Don Quichotte en herbe qui se donne le genre de défendre le bien d'autrui. De quoi te mêles-tu, gros innocent ? Après tout, futur garde-champêtre, rien ne t'oblige à partager mon souper. Je me sens du reste assez d'appétit pour en venir à bout tout seul. » Tout en parlant, le jeune garçon soignait ses pommes de terre, les tournant et retournant avec amour. Elles furent bientôt cuites à point. Il en ouvrit une, et aussitôt un arôme qui devait être sensible à des palais peu blasés vint frapper l'odorat de mes amis. Les pauvres enfants avaient encore faim, et leurs yeux brillèrent de convoitise. César regretta presque de s'être montré si frière. L'autre s'en aperçut, mais se gardait bien de renouveler son offre. « Allez, mes petits lecteurs, il ne faut pas que les heureux de ce monde se montrent trop sévères pour ceux qui souffrent. Il est pour certains enfants quelquefois bien difficile de rester honnêtes, et si la Providence ne les aidait pas un peu, enfin. » Mes amis se couchèrent sur une botte de paille, leur camarade en fit autant, et tous trois dormirent profondément, parce que tous trois étaient accablés de fatigue. Mais le lendemain, au petit jour, César et Aimé furent éveillés par leurs compagnons. Il s'agissait de quitter la place avant que le maître de la hutte n'arrivât à son champ, et si par hasard il lui prenait fantaisie d'y venir. On se leva vivement. En un tour de main, les bottes de paille furent rattachées et replacées où on les avait prises, puis on sortit. Le jour naissant étendait sur la campagne une lueur blafarde qui permettait de distinguer les objets. Le ciel était encore étoilé, mais ce n'était plus la nuit, et mes amis, se sentant le cœur aussi dispos et l'esprit aussi libre que le soir précédent il les avait troublés, marchaient d'un pas alerte et ferme. Il faisait beau d'ailleurs, et sans la rosée qui leur mouillait leurs jambes, ils ne se fussent pas rappelés qu'il avait plu la veille. Petit à petit, l'horizon s'empourpra. César et Aimé, qui n'étaient pas encore habitués aux effets grandioses d'un beau lever du soleil, s'étonnèrent avec une naïveté pleine d'admiration. Balthazar, comme ivre de joie, se roulait dans l'herbe mouillée, courait, jappait, grattait la terre avec ses ongles, la creusait avec son museau, enfin faisait un millier de folies. On nous dit qu'il fêtait le retour d'un ami absent depuis trop longtemps. Et plus j'y pense, mes petits lecteurs, plus je me persuade que c'était là, en effet, le secret de son bonheur. Balthazar, retrouvé dans le spectacle du soleil qui s'élevait lentement et majestueusement au-dessus de la terre, en dispersant les vapeurs de la nuit, un des heureux souvenirs de sa jeunesse. Quant aux compagnons de ses jeunes maîtres, il haussait dédaigneusement les épaules et bourrait sa pipe avec les gestes et la mine d'un homme blasé depuis longtemps sur les plus beaux spectacles de la nature, et que plus rien en ce genre ne peut émouvoir désormais.